En fait, je vous dis quoi? Je veux dire, je vous dis ce qu'il en est, quoi. I've seen things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. Yuka wagateki wo kuro! C'est quoi ce bordel? Y'a ici, salopiné! Put that cookie down! Now! Ok, les bras de gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! Vous m'appelez, vous me dites quoi? La connerie de chez bien arrivé, non? La connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. Coucou tout le monde. Salut. Eh oui, j'ai en face de moi le seigneur Bilka. Oui, c'est bien moi. Qui a ramené ses pistolets pour l'occasion, c'est ça? Mais bon, il se voit d'ici. C'est un pistolet dans votre poche, ou vous êtes juste content de me voir? C'est la deuxième option. Et la majestique Didi fait des acrobaties dans le fond, là-bas, en attendant. Ah, le bretzel russe, tu l'avais jamais tenté, celle-là. Oh, bravo. Elle a mis tous les petits grains dessus. Et nous recevons un invité exceptionnel. Ce soir, nous avons le professeur Schmitty. Et oui, bonjour à tous. Doctorant Tomb Raider, si je ne m'abuse. Un petit peu, oui, effectivement. Voilà. De nombreuses heures d'expérience. Vous êtes aussi comédien. J'aime les gens avec de l'expérience. Avec un club d'impro. Ah oui, oula. Et on a, tel Chang avec Tintin, un passager clandestin. C'est méchant. Bah écoute, on est... Alors, c'est le mois des galères, on a eu pas mal de soucis techniques, de soucis d'agenda, et du coup, nos sujets prévus à la base n'étaient pas du tout là au rendez-vous, et il y a quelqu'un qui est au rendez-vous qui ne devait peut-être pas là être à la base. Exactement. Eh bien, on a le bonheur, la joie d'accueillir... t'avais un surnom ou... Appelle-moi Perry. Appelle-moi P. Agent P. Je suis l'agent P. Oh là là, on... Du MIB. Ah, on sent P d'ici. P d'ici. Alors... J'arrive. J'ai vu la lumière, je suis rentré. Et les pistolets d'Ariles. On est... Ah oui, 2004. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Identité. Oh. En effet, donc ce soir, on a avec tous nos changements de programme, on va parler finalement de Tomb Raider. Ça nous semblait un peu logique d'en parler. Ouais, on va parler des pilleurs de tombes. On est en France. Ah oui, ah oui, j'ai compris, des pierres de tombe. Des pierres de tombe. Oui, on va parler de l'art. Non, mais on va parler des jeux vidéo, des films et tout. Et franchement, ça va être plus sous forme d'une discussion un peu posée, vu qu'on a perdu toutes nos notes, tous nos fichiers, que le quiz d'Abe, il est même pas là. J'ai oublié le dossier. Mais avant ça, nous allons entrer dans le monde magnifique, merveilleux et tout à fait humide des brolles. On n'oublie pas de rester disco. Administration. Veuillez rester en appareil, s'il vous plaît. Le troll, c'est ce que les Français appellent du bordel. Chez nous, c'est du bon, tout simplement. Mais oui, c'est clair. Et c'est très clair, et à chaque fois on fait oui, ça. Clair. Mais je pense qu'on va commencer par le sujet Dave. Parce que, oui, on peut laisser... parce que... Wow, action, hey, vas-y, parle l'action. De ton truc. Eh bien, t'as vu un film, Bilka aussi, vous l'avez vu. Et oui, tout à fait. Et tu on peux me va dire passer tu, la sais, bande... Hein. Ouais, ouais, on a gardé les chèvres ensemble. Hein. Voilà. Et on va passer la bande-annonce tout de suite, maintenant. Oui, je sais. Ça te dérange? Mon pénis. Ne sois pas tout à fait humaine. Tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontrée. Waouh, prévisible comme dialogue. Je t'avais demandé de rentrer avant qu'il fasse nuit. J'ai pas vu le temps passer. Alita, il faut que tu sois responsable. Tu es quelqu'un d'unique. Hé, toi ! Tu n'es pas une fille comme les autres. Quoi, il y a un problème ? Tu te souviens pas ? De quoi tu parles ? Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut. C'est que je vaux pas grand-chose, alors. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Non ! Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis. Moi, je le sais. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. T'as vu, j'ai changé de t-shirt. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. I'm Batman. Ça, ça ne dépend que de toi. Non mais ils font chier avec les percussions. Je ne reste pas passive. En présence du monstre du mal. Elle menace l'ordre naturel des choses. Ce soir, on ne joue pas. On chasse. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. De toute façon, il remixera après. Vous avez connu la pire erreur. De toute façon, il remixera. On verra en montage. Ah, il déteste cette phrase. Laquelle ? On verra en post-prod. Ah, il déteste cette phrase. Vous m'avez sous-estimé. Ah, bah là, il y a de la post-prod. Hein. Alita, Battle Angel. Oh yeah. Ça m'est coming soon. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est, mon cher Abe, pour les gens qui ne seraient pas au courant, parce que c'est un film. Merci. Merci. Merci. Bien, c'est, au revoir. C'est bon, c'est fini l'émission. On balance la musique de fin. Allez, alors, ciao. Tu veux un coup de main? Ouais, je veux un expert, s'il vous plaît. Alors, Alita, Battle of Angel et l'adaptation du manga Gum. Alors, la prononciation européenne, ma prononciation japonaise, c'est Gumun. C'est l'histoire de comment dire, d'un avenir post-apocalyptique, un peu cyberpunk, où les êtres humains sont optimisés via des prothèses robotiques. Des ou-sex ? Ouais, non, les cils. Ouais. Des ou-sex ? Des ou-sex, c'est un peu ça, exactement. C'est ça, et en fait, oui, t'as les humains, et t'as des mecs qui se robotisent complètement, qui sont complètement des cyborgs. Pratiquement plus un d'organique, pour tenter de gagner des jeux robotiques où le grand vainqueur peut aller avoir un train de vie meilleur. Quoi. Mais alors, les jeux robotiques, ça a été rajouté, c'est ça? C'était rajouté, ouais, dans le manga, c'est pas du tout comme ça. Moi, comme Abe, moi, je suis allé voir le film, je suis l'un des rares de la séance qui l'ont bien aimé, parce que... Quoi? Oui, j'ai bien aimé. Pourtant, les retours sont plutôt bons. Non, mais en fait, parce que... Il est étonné que tu es l'un des seuls à avoir aimé. Parce qu'en fait, visuellement, franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est les combats, mais c'est d'une fluidité. Non, les plans, ils sont ultra bien choisis. Tu comprends vraiment toutes les actions, en fait. Ça, c'est cool. La motion performance, elle est vraiment géniale, parce que les acteurs étaient en costume pendant les tournages. Du coup, tu vois que c'est des images de synthèse, ça se voit, bien sûr. Mais la lumière... sur l'environnement, l'interaction qu'ils ont avec les trucs, c'est pas du fake parce qu'ils le font vraiment et c'est incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça depuis Avatar ou bien. C'est le même producteur. Ça. Ouais. Mais en fait, le seul bémol. Et franchement, j'ai adoré ce film, mais en plus, il est très complexe. Il y a beaucoup de phases où les gens qui s'attendent du gros divertissement n'ont pas compris pourquoi ça parlait. Mais ça parlait de sujets très très beaux, beaucoup plus en profondeur que l'adaptation de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Le seul défaut. Tu aimes bien ce film d'ailleurs. Ça va, hein. On l'a vu ensemble. Mais en fait, le seul problème de cette adaptation, c'est qu'ils ont trop voulu l'américaniser. Premièrement, ils ont voulu le faire un public plus large. Du coup, le manga, qui est très très gore, qui est interdit au moins de 12, voire moins de 16, selon les pays, est beaucoup plus trash. La scène trash. Du chien, par exemple. Non, mais pas que ça. Mais que, par exemple, il y a une scène, sans spoil, dans ce monde, t'as des mecs, ils vivent dans un quartier pauvre et tout le monde est robotisé. Donc, ils volent des pièces sur des mecs, tu vois, mais dans le manga c'est dégueulasse, c'est genre il lui ouvre avec les doigts la cage thoracique, il lui arrache des organes, on voit le sang qui dégouline, alors que dans le film c'est très très sobre. C'est des chamallows et il y a des bisous. Mais non, mais c'est très très sobre, c'est on dirait qu'il démonte un Lego, c'est fait pour les gosses, quoi. Ils veulent l'ouvrir un public plus large pour que ça marche, quoi. C'est... Ouais, genre ils arrachent des bras, mais genre il est... Mais c'est que de la mécanique. C'est que la... Ouais, ça fait comme un Lego. Ça fait pas genre. Non, mais c'est ça, mais bon, ça fait ça. Ça fait pas comme Robocop, genre à la base, si tu le démembres, enfin, genre si t'enlèves son truc, t'as encore ses poumons et son cœur, donc tu peux. Ouais. Mais ça fait pas cet effet-là. Non, en fait. Non. Dans le manga, c'est beaucoup plus organique. Tu sens vraiment la détresse du mec qui est en train de. On lui est en train de lui voler. C'est des pièces, mais c'est lui, quoi. On lui vole des organes, tu vois dans son visage la détresse du truc, alors que là-dedans, le mec, ça le fait plus chier qu'autre chose. Genre, oh putain, non, pas ma voiture, bordel. Dieu, mon assurance, elle va pas me couvrir. Oui, mais limite, c'est ça, c'est dommage. Mais alors, on n'a pas eu l'avis de Abe sur le film, en fait, par contre. Moi, ce que j'allais dire aussi, j'ai pas vu un aussi bon film depuis quelques années. Ouais, carrément, année. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, je te jure, ça fait... J'ai pris une claque. Non, mais visuellement, il est très, très beau. J'ai été très surpris, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Alors, attends, parce que Bilka, lui, il parle de claque visuelle, mais toi, c'est quoi comme claque? Claque visuelle, surtout. Aussi, ouais. Ouais, surtout, ouais, c'est ça qui revient. Les combats, franchement, c'est... j'ai surkiffé, quoi. J'étais comme un gamin. On sait que t'aimes bien te battre, hein. C'est bon. Ouais, moi qui aime bien les arts martiaux, les chorégraphies de combat très, très élaborées et esthétiques, là, ouais, c'était très beau. Ouais. Tu sens l'influence nippone là-dedans. C'est clair. Surtout, ce serait un peu con qu'il n'y en ait pas une adaptation. Non, mais en fait, ils ont vraiment voulu l'américaniser. Et surtout dans les dialogues, je me foutais dans la bande-annonce, tu sais, il y a des répliques un peu bateau qui font vraiment, mais genre l'oncle Sam. Je ne reste pas passive en face du mal. Vous avez fait une erreur. Vous m'avez sous-estimé. Oui, ça, c'est sûr que ça fait vraiment bateau. Le self-made man, bien sûr. Le truc de ce cliché américain. Dans l'animé, j'ai vu quelques épisodes, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est... Ouais. Et limite, il parle pas, quoi. C'est tout est visuel, quoi. Mais par exemple, dans la bande-annonce, elle dit elle menace l'ordre établi. Alors que pas du tout. Quoi, elle menace quoi? Non, mais on a vu le film, hein, pas du tout. Elle menace absolument rien. Ouais, du coup, c'est bon. Après, les trailers, comment ça marche? C'est des boîtes qui font ça à part entière, ils ont rien à voir avec la prod. Ils ont pas vu le film. Ouais, on savait vraiment de quoi ça parle. Ouais, c'est une meuf. Ils ont des extraits. C'est une meuf, ok, c'est Hunger Games. Ok, ok. Et ils ont des. Comment dire? Une banque de sons de. C'est ça. Ouais, des percussions. Donc, tu vois, un mec qui donne un coup de poing, ça fait pa, pa, pa, pa. J'avais l'impression que ça te dérangeait un peu pendant le trailer. Là, mais non, parce qu'en fait, on voit depuis The Dark Knight, depuis 2008, il n'y a que ça dans les bandes annonces. C'était fait pas chier. Plutôt Inception avant? Non, The Dark Knight 2008 est sorti avant Inception. Oui, d'accord. Et Inception. Il y avait déjà. Après l'autre Batman, le troisième. Donc merci Hans. Hein. Ouais, merci Hans. Non, mais il y a tout le temps maintenant, et moi ça me fait chier. Alors, comment on doit aller, hein? On doit passer maintenant. Je dis on doit parce que ça va être un peu plus sportif de parler de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Sportif, pardon. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler d'un truc qui fait un peu plus de bruit qu'un concert de métal. Thursday, February 28th, on VH1. Get dragged into the phenomenon. 15 new queens compete. But what does it take to be America's next drag superstar? Epic look. Super size shape. Tremendous talent. It's the season so big, you'll be saying, oh my me. Drag Race is everything. The Emmy Award winning RuPaul's Drag Race. Eh oui, c'est Perrine qui... C'est P qui va nous en parler. C'est la jambée qui parle de ça. RuPaul's Drag Race. Ouais. Et oui, c'est un truc de course avec des voitures. Voilà. On a ajouté des percussions. Vas-y, attends, à toi, à trois, redis. 1, 2, 3. RuPaul's Drag Race. Yeah. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, moi, ce dont je vais parler, c'est pas de la série. Bah, plus près du métro. Du métro. Plus près du métro. Je passe dans pas longtemps. Je suis perturbé. il est pressé par son métro. Vas-y, pardon. Moi, je vais parler de la... Non pas de la bande-annonce que tu viens de passer. Donc ça, c'est la saison 11 qui va sortir le 28 février. Pardon, je pensais que c'était la mais dernière. Mais non, moi, je parle de la saison All-Star qui vient de se terminer... Enfin, le 14... Le 15, pardon. Et qui mais vient de quelle série? Parce que... De All-Star, de RuPaul's Drag Race. Mais qu'est-ce Race, que c'est? All-Star. Et en fait, le principe, quoi, le principe de All-Star... C'est ça. C'est le retour de... En fait, c'est le retour de d'anciennes... Non, mais le principe même de l'émission, qu'est-ce que c'est? Ah, tu vois... On en a. On l'a, vous, tu l'as dit déjà? Non, ou pas du tout. Voilà, mais parce que c'est des drag queens, c'est ça, c'est le ça, principe. Et, c'est... et elles s'affrontent dans des matchs. Alors, il y a de l'impro, il y a. C'est vrai? C'est Alita, en non, fait. Pas du tout. Non, mais. Non, mais si, par si. Exemple, à il y a fin, des. Non, tu veux voilà, mon vas-y, taf? Here we are! Et non, en fait, c'est, donc c'est 15, je crois. Je sais plus combien elles sont. C'est 15 ou 16, je crois, au début. Et elles s'affrontent dans des. Des défis. Dans des défilés, des défis. Il y en a chaque semaine un nouveau. Et donc, c'est, voilà, c'est des drag queens. Donc, d'accord. Voilà. Parce que j'ai entendu défis, après les défis. Non, défilés, ouais. J'ai compris ouais. Des défis, genre Kaiba, c'est leur rituel. J'ai compris ça, moi, comme défis. Si, il y a des défis photos. C'est ça. Il y a des défis photos, il y a des défis. Mais c'est quoi? Ils sont pris en photo et la plus belle photo, c'est lui qui gagne? Non, bah, il y a. C'est à peu près ça, parfois. Il y a ça, des fois. Il y a plein de défis différents. Ouais. Mais il y a aussi. Par exemple, il y avait eu des fois où c'était faire sa propre boîte, une ambiance de boîte de nuit. D'accord. Une chorégraphie, un film. Mais c'est une séquence de film. C'est qui les départage? C'est le présentateur lui-même. Il n'y a pas un jury. Il y a un jury, mais le mais ça a rien. Mais le jury est plus là pour donner des arguments en faveur ou contre une des queens. D'accord, parce que RuPaul qui donne son nom à l'émission est quelqu'un de très connu, c'est ça? Enfin très connu, je sais pas, mais dans le monde des drag queens, oui. Et c'est ça a l'air d'être une star. Et en effet, quand tu le vois, elle est magnifique, quoi. Elle a la prestance, c'est surtout ça. Elle a du charisme, enfin c'est incroyable. Quoi. Parce que c'est presque que ça qui compte pour les drag queens, c'est-à-dire être une bête de scène. Être une bête de scène, savoir se mettre en scène, savoir. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexualisé ou quoi. Rien du tout. Enfin, je veux dire par rapport à des drag queens qui vont faire du striptease. En général, c'est souvent ça quand même. Là, c'est pas trop le cas. C'est plutôt la mise en valeur de la transformation en fait de la personne, de présentation d'un nouveau personnage à chaque fois. Comment elle va se mettre en valeur, comment elle va changer, comment elle va. Comment elle va se maquiller aussi, parce que c'est quand même un truc qui est primordial dans la série. Juste petite parenthèse, excusez-moi d'être un culte. Drag Queen, c'est quoi? C'est un mec qui se déguise en meuf, c'est ça? C'est ça. Ah oui, oui, on pensait pas avoir besoin de préciser. Mais en effet, c'est ça. Tu as bien fait. Nous, sous Pétain, on n'avait pas ça. D'ailleurs, souvent, ils se rasent les sourcils. Ah oui, ça arrive, ça arrive. Il y en a qui font en fait. Tu as de l'expérience. On voit tes barésies d'ailleurs. Non mais ouais ils ont aussi un truc qui est attention, ça va vous faire mal. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est de se mettre en fait le tuck. Le quoi? Le tucking, qui est en fait. Tu te retournes la pistouflette. Voilà, je ne trouvais pas les mots en fait pour être. Et tu la mets en fait entre tes fesses. Voilà. Avec du scotch. Oh, ça fait pas mal, hein. Ah, j'ai mal. Ça n'a pas mal. Comment il la tienne? Dit comme ça, en fait, ça paraît horrible. Mais non, en fait, c'est juste, tu la mets entre tes cuisses. Oui, non, mais. Ouais, mais bon. Tu la mets entre tes cuisses en soi, ça fait pas mal. Mais après, en fait, elles la fixent. Parce que pour faire des grands écarts, pour faire des trucs dans le genre, à ce moment-là, c'est comment tu la fixes qui peut être un peu. Alors, ça, c'est un des. Je regarde avec elle. Je regarde la tête de Bilka. Non, parce que. Comment tu marches après, quoi? Une fois, pendant un match de rugby, sans faire égard, elle ballottait à gauche à droite. Et je me suis tapé une. On peut le dire, on va le dire. Je me suis tapé une couille avec l'intérieur de ma cuisse. Ça m'a plus fait mal qu'un plaquage, je suis tombé au sol. L'arbitre, il m'a fait arrête de simuler. Je fais mais non, j'ai mal aux couilles. ça leur fait pas mal. Des fois, ça leur fait mal. Je me moque pas, je te jure, c'est une vraie question. Leur fait pas mal. C'est en fait, faut s'épiler. Si t'es épilé, t'as beaucoup moins. C'est ça en fait, tu vois, genre, tu t'épiles vraiment à ce niveau-là, tout jusqu'à l'arrêt. Ah ouais, quand même. Comme ça, t'as aucun poil. Ça doit faire mal. Ça fait même pour les filles, ça fait mal. Ça, c'est peu importe, les garçons, ça fait mal. C'est un stéréotype. Tu vois, tout est dans l'épilation et ensuite, tu te la places bien. Et en fait, c'est juste un slip serré. Tu mets un slip serré ou un slip serré et après, ça passe, quoi. Et après, quand tu l'enlèves, du coup, ça. On essaiera à l'occasion. Je t'aiderai pas, mais oui. Mais c'est vrai que je regarde l'émission du coup avec Didi et Perrine parfois et c'est assez douloureux à regarder pour ça parce qu'à chaque fois moi je ne peux pas m'empêcher d'y penser, je suis là mais non, mais aïe, mais ouille, mais couille. Mais tu sais, je pense que tous les hommes qui nous écoutent, Michel, notre seul auditeur, on a vraiment ce truc de quand tu vois une vidéo d'un mec se prendre un coup sur les roustes, tu as mal toi aussi. C'est pas du tout la même chose. Non, je parle pas de ça, je parle de cette empathie. C'est ça, exactement. Tu sais, de se dire on a tous c'est comme le fait que les filles se mettent leur poitrine dans des soutiens-gorge pour les maintenir, c'est tout aussi pas agréable au final, mais voilà. Ouais. Non, mais c'est pas adhésif, mais moi je parle pas de ça, je parle de, tu sais, cette empathie physique qu'on a de ressentir nous-mêmes cette espèce de gêne alors que on a rien. Mais du coup ça fait un peu ça quand tu regardes RuPaul. Parce que nous les mecs on est très empathiques. Communion, tu vois, une communion de la douleur. C'est ça. Un partage fraternel. Non, mais sinon, je trouve qu'il y a un autre élément, c'est que, je ne sais pas si on a pu l'entendre à la bande-annonce qui était assez soft par rapport à l'émission, mais waouh, il y a beaucoup de bruit. C'est interdit au moins de 12 ans? Non, pas du tout. Ah non, c'est de public. Ah non, mais franchement, tu peux mettre une gamine c'est devant. Coloré, c'est pailleté, c'est waouh. Il y a des poneys. Mais il y a tout. Mais qu'est-ce qu'il faut avec poneys? Mais si t'aimes les paillettes, si t'aimes... Les couleurs criardes, le maquillage, non. tout. La lumière, la musique. Voilà, il y a tout. J'aime pas vivre, j'aime pas la joie. Non, si, j'aime la joie. Mais je pense que c'est aussi un truc qui les hommes fait un peu ultra le... aigu. Non, ouais. Tu m'as dit j'aime la musique. J'aime la musique, c'est vrai. Des personnes complètement extra. Mais voilà, c'est ça, c'est extravagant. C'est, okay. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux la série. Mais honnêtement, vous qui connaissez... Moi, je ne connais pas du tout. Je ne me permets pas de juger. La question, c'est vraiment une question que je me pose. Les gens qui regardent ça, ils regardent vraiment ça pour tout ce que vous dites ou pas un petit peu genre la télé-réalité en France pour un peu se foutre de leur gueule? En regardant autour de moi, j'ai ma cousine qui regarde aussi et elle se fout un petit peu d'eux. Pour le fun, pour rigoler, parce qu'ils sont extra, ils en font des tonnes, faut pas trop le prendre au sérieux non plus. Ouais. Après, il y en a qui suivent ça avec assiduité parce que c'est... ça dépend de comment ça, tu donne prends, énormément d'idées, en fait, d'un point de vue créatif. C'est ultra intéressant parce qu'il y a du coup, il y a plein de costumes, il y a plein de maquillage, il y a plein il y a plein d'idées, en fait. Donc c'est quand même très intéressant à regarder. Moi, je pense que tu peux pas regarder... Je pense que c'est une grande excuse, ça. Dire que tu regardes une émission pour te moquer des gens. Genre, te moquer des gens, ça tient deux minutes. Mais si elle regarde, c'est parce que... Tu serais surpris, y a des trucs... Non, mais... Les ch'tis à Mykonos, les gens, ils regardent, c'est que pour se foutre d'eux. Je suis persuadé que non. Moi, je pense que ça... En fait, attends, mais regarde, là, maintenant, je te dis, regarde un film ou un truc où il y a des gens qui se ridiculisent. Malaise TV ou quoi, enfin, tu pourrais pas tenir... une heure d'émission, quoi, c'est pas possible. Moi, je sais pas. Moi, je pense que les gens... Si, il y a une grosse partie... en fait, t'as les deux publics, t'en as qui regardent par intérêt. Malheureusement, c'est impossible à savoir. Il y en a d'autres, quand même, c'est aussi pour se moquer, parce que la curiosité humaine fait qu'on va rester regarder, mais ensuite, c'est pour appuyer le fait qu'on pourra dire « Ouais, c'est des gros débiles. Ouais. » Voilà ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression qu'on se défend, quand même, mais quand non. on dit ça. En tout cas, c'est quand même... C'est pas des gros débiles. Mais je parlais pas de cette émission-là, je parlais de... Genre, tu sais, je les anges et tout ça. Oui. Genre, les gens regardent parce vraiment après pour dire... mais tu vois un peu le niveau culturel chez les gens en France, là. Ils regardent quand même jusqu'au bout. Du coup, le niveau culturel, il est aussi leur niveau, quoi. Donc, c'est paradoxal et stupide et hypocrite. Bref. Alors, mais c'est de la télé-réalité, du coup, oui. Oui, dans tous les cas, c'est de la télé-réalité. Mais n'empêche que c'est sympa. C'est très sympa. C'est très sympa. Même moi qui aime pas forcément tout ce qui est criard et extravagant et tout. Il a regardé avec c'est moi. C'est rigolo. C'est fun. Je regarderai par curiosité, je regarderai. Après, je pense qu'il faut en effet le regarder en société parce que. En société. Ah, faut être plusieurs avant. Oh, ma chérie, je sais pas. Passons dans le salon prendre un branlis et regardons. RuPaul's Drag Race. Voilà, j'allais pas le prononcer. RuPaul's Drag Race. Non, mais parce que. RuPaul's Drag Race. Les Drag Race de RuPaul, La course des drags de RuPaul. Il y a quand même une grande différence entre regarder une émission qui est rigolote à deux, où tu peux échanger un regard et rigoler ensemble, que juste tout seul. On va passer à Bilka. Je sais pas du tout ce que c'est ton brawl, parce que tu m'as pas du tout dit. Je t'ai dit. Non, c'était l'extension de ce qu'on avait dit à la dernière mission. On avait parlé des lives. La de dernière Disney. Mission. Non, on avait parlé des émissions live de donc. Disney. Et en fait, pas de son, on n'a pas le temps. Allez, non, mais c'est très rapide, t'inquiète. C'était juste, entre-temps, il y a une nouvelle bande-annonce de Aladdin qui est sortie avec un premier aperçu. Ah oui, Aladdin à la 2, à la 3, c'est ça? Non, Aladdin de Disney. Avec un premier aperçu de Will Smith tout en bleu, en génie. C'est Will Smith qui va prendre le rôle? Oui, cool. Et franchement, c'est dégueulasse. J'avoue, je le vois trop pas dans le rôle d'Aladdin. Non, mais je méprise les adaptations live de Disney. Mais là, on m'a dit que je suis de mauvaise foi. Mais franchement, regardez la bande-annonce, mais c'est fake. On dirait des vieux cosplays de merde. Même à la Japan Expo, ils font des cosplays 20 fois. Attends, on va voir si t'es de mauvaise foi. Est-ce que t'as bien aimé Mowgli? Enfin, le livre de la jungle. Oui. Donc ça va? Non, franchement, oui. Lequel? La version Netflix? Non, pas la version d'avant. Pas la version Netflix. La version avec Scarlett Johansson ou la version sans Scarlett Johansson? Non, la version... Quoi? Non, ah oui, si, la version avec Scarlett Johansson. Scarlett Johansson? Oui, qui fait le serpent, c'est apparemment. Ah oui, et en français, c'est Leila Bechti. Non, en fait, j'ai bien aimé parce que tu vois, c'est de l'animation, c'est très coloré, ça se prête parce que c'est la jungle, c'est la nature, c'est verdoyant. En plus, il y a le gamin qui est en live action, ok. Mais Aladdin, en fait, Aladdin de 94 de Disney, tu as le film d'animation. C'est chef-d'œuvre. Ouais, c'est chef-d'œuvre. T'as le film d'animation qui est coloré, les traits sont arrondis, sont cartoonesques. Donc en dessin animé, ça passe. Mais tu peux pas le faire en live action avec des couleurs vives, des contours cartoonesques en live action. Ça fait fake. Tu vois, Aladdin français, quoi. Oui, mais à sa décharge, le Aladdin de Kev Adams, je le déteste, c'est un film de merde. Pas le mec, hein, le film. C'est un film de merde. Et, ou alors Is No Good, qu'on a essayé de faire avec Michael Youn en, je sais pas, en 2004-2006. Le dernier film. Ils l'ont fait. Et franchement, j'ai bien aimé, c'est rigolo. Ils ont gardé des trucs de la BD, les couleurs vives, un peu chatoyantes, mais en fait, ils l'ont mis dans une espèce de monde des mille et une nuits un peu vif, tu vois, ça s'y prête. Alors que là, la bande-annonce me donne pas du tout envie. Ça se passe à New York. Non, mais là, la bande-annonce d'Aladin, la machin de Disney. Oui, c'est pour ça que je disais. Et j'ai envie d'en parler parce que moi je trouve ça pathétique de remanger sa merde, de la redigérer et de la rechier. Et les gens vont acheter. Mais... C'est ça qui me fait pire, c'est que je sais qu'il va réussir cette merde. Parce que tu mets Will Smith, donc tous les gens qui sont fans de Will Smith, on sait pas pourquoi, alors que c'est un très mauvais acteur, sont fans de Will Smith, vont aller le voir. Alors que j'adorais quand il était jeune, Les Princes de Bel-Air, Men in Black, tout ça, Walrus. Mais je reconnais que c'est un très mauvais acteur. On va voir, ils vont voir ça parce qu'ils vont se prétexter, j'aime bien Will Smith, j'aime bien Aladdin, donc je vais voir ce film. Et au final, ce sera de la merde. Après, je sais qu'on a déjà eu ce débat et t'es pas d'accord avec moi, mais c'est pourtant, je pense, la vérité, c'est que ils font ces films parce que les enfants se désintéressent petit à petit des dessins animés qui commencent à vieillir. Et du coup, ça refait des fans. Par exemple, les Tortues Ninja, maintenant, les gamins, ils n'achètent pas les Tortues Ninja des dessins animés. Ils achètent les Tortues Ninja du film live action. Non. Maintenant, Tortues c'est Ninja, Emma la série. Oui, ils s'en foutent du film. Franchement, c'est la série Tortue Ninja. C'est plus vieux, c'était avant. Mais par exemple, maintenant, c'est des poupées d'Emma Watson qu'il y a. C'est pour des Belle. Des poupées d'Emma Watson. Oui. Gonflables. Mais oh putain. Allez, un bâton, coupe son micro là, c'est bon. Non, mais franchement moi, alors moi qui suis tonton de deux adorables neveux et nièces et qui ai des petits cousins, je te jure, j'ai racheté les Disney Notre Enfance en Blu-ray. Avec une meilleure qualité, je te jure qu'ils ne vieillissent pas. Oui, mais ça passe pas au cinéma et ça rapporte pas autant. Et ça recrée pas des jouets, surtout. Donc le problème est là. C'est vraiment un souci économique. Complètement. C'est pas pour faire de redécouvrir aux gamins, c'est pas vrai. Parce que pour faire des nouveaux clients, c'est ça que ils peuvent réinventer quelque chose de tout à fait nouveau. Pourquoi ils sont obligés de reprendre les anciens trucs et de faire. Parce que c'est une valeur sûre, c'est un truc qui se vend vraiment bien. Oui, non, mais c'est pathétique. Autant. Tu vas adapter. Mais je les défends pas, j'explique simplement ce qui pour moi est leur motivation. Non mais ok, Disney veut faire du fric, ok. Tout le monde veut faire du fric, ok. C'est pas répréhensible en soi. C'est juste que tu as un bon matériau de base. Tu as le Aladdin, les Contes d'Amis et Nuits. Tu l'as déjà digéré. Tu as fait ta version d'Aladdin. T'en as même fait des suites pour. Oui, grave. Oh, quoi que j'ai bien aimé le 3, le Prince des Vols, le Roi des Voleurs. Enfin, bref. Mais tu vois, t'as un bon matériau de base. Pourquoi refaire, c'est comme La Belle et la Bête. Pourquoi refaire plan pour plan ce que tu as déjà fait. Tu as la chance de faire un nouveau film avec des nouveaux moyens technologiques, avec une nouvelle équipe. Innove, fait des trucs nouveaux. La Belle et la Bête, c'était plan pour plan. Ou alors ressort les anciens films en meilleure qualité. Bah oui. Mais comment c'est possible, ils ont fait des dessins animés. Petite parenthèse. Remets-les plus en valeur. Petite parenthèse. C'est l'occasion de faire la pub à UGC. Je sais pas si. Non, mais une fois par an, ils ressortent les anciens Disney au cinéma, les dimanches matins. J'ai emmené mes petits cousins plusieurs fois. On a revu Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin aussi. Ça, c'est cool pour les enfants. Arrête de faire genre t'es un bon tonton là, c'est bon. On sait que t'es allé au McDo. Après, on allait au Grec. Non, mais je veux dire, ça n'empêche pas l'autre. En tout cas, merci pour cette leçon à Disney. Je pense qu'ils t'écouteront avec attention. C'est pour les gens. Merde, les gens, réveillez-vous. Je vais enchaîner vite avec. Oui, je rappelle vite parce que il y a le métro, le dernier métro d'Abe. Mais en fait, du coup, il y a. Moi, je parle juste de deux trucs rapides et puis un truc qu'on va partager, Abe et moi, puisque je pense qu'on est obligé de vous en parler. Oui. Donc, déjà, oui, de une. Vous avez fait votre coming out tous les deux, ensemble. Mais ça fait longtemps, dis. Ça fait longtemps. C'est quand le mariage? Mais écoute, on a pas scellé notre union via. Mais vous avez déjà consommé. Mais via un vaisseau. Je vous en parlerai dans deux minutes. D'abord, je veux juste vous dire que, alors on enregistre ce podcast, le premier bateau rempli de Tesla Model 3 est arrivé en Europe. Et du coup, les premières Tesla Model 3 arrivent en Europe. Je suis très très content. C'est des bagnoles, c'est ça? Oui, c'est des voitures. Je suis le seul mec au monde qui s'en fout des bagnoles. S'en fout des bagnoles et du foot. Bah écoute, si tu... En fait, les bagnoles, c'est à la fois ridicule, mais ça prend tout son sens sur un circuit. Où là, tu découvres que ça peut te faire ressentir des sensations et des émotions que tu n'imaginais pas. Sincèrement, c'est vrai. On dirait l'abondance de 50 nuances de je vais vous faire découvrir mon monde. Si vous étiez à moi, vous ne marcheriez plus pendant une semaine. J'ai des goûts très particuliers. Vous rouleriez en voiture, en Tesla. Mais deuxième point, j'ai commencé à kiffer les figurines. Je ne m'attendais pas à accrocher à ça. Parce qu'au début, je trouvais ça peut-être un peu cher pour ce que c'était. Ouais. Et finalement, je trouve que ça fait une belle déco, un truc très agréable. Le fait d'avoir aussi son propre intérieur, puisqu'on a emménagé... d'ailleurs, avec Perrine, Elodie et... Non, mais... C'est qui, Elodie? Pardon. C'est vrai, c'est vrai, vous ne saurez jamais. Eh bien, en fait, voilà, ça va bien avec. Donc, j'ai pris quelques figurines, donc, dont une magnifique Azuka de Evangelion Neon Genesis. Et Mikasa. Et Mikasa Ackerman, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Et ça, c'est okay. Ma waifu. Oh, force... C'est trop kawaii. Ah non, mais je pense que j'ai acheté mes waifus. Il y a Sakura. Ils achètent ces waifus, il n'y a pas d'autre choix. Et par contre, oui, Sakura a été remplacée totalement par Yugito Ni, qui est la... Qui est la Jinchuriki de Nibi. Le d'accord, chat, ça aide vachement. On sait pas du tout quoi Dans Naruto. Voilà, c'est celle qui a un démon de chat. Et elle est très, très forte dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est Matatabi, son nom ? Elle est très, ouais. Très cool. Et on va passer à un truc qui est donc notre union à Ibe et moi, que vous allez peut-être connaître, peut-être ne pas connaître. J'adore les mariages. Très certainement, vous en avez entendu parler, parce que c'est un truc qui a fait grand bruit, qui a un budget faramineux, et qui s'appelle Star Citizen. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut laisser nos micros, parce que je vous décris un peu la bande-annonce, là. Vas-y. Il y a des gros vaisseaux, bien phalliques. des planètes et tout. Et surtout, en fait... les hommes et la mécanique. Là, je vais... Sauf moi, bébé. C'est vrai. Tu en fait, là... Je suis exceptionnel. Là, c'est la bonne annonce de Squadron 42, qui est la version jeu solo. I'm your new wingman, sir. Et je sais pas si tu vas reconnaître la voix des acteurs, mais ils sont tous très connus. C'est un peu le jeu... Ah, mais le jeu vidéo, ouais, c'est... Maintenant, c'est plus comme avant. C'est... Là, par exemple, c'est quelle voix, ça? Scum, use it for cover to launch attacks. C'est absolument rien. Alors... Tu sais reconnaître les voix françaises? De Dark Vador. Bravo, Marc Hamill, exactement. J'allais dire c'est Dark Vador. Donc il bah, a voilà, fait, enfin, il a fait c'est la motion capture aussi, je crois. Ben, Mark Hamill a fait la motion capture. Mais il est dedans, il est dans le jeu, il y a son visage. C'est et sa tout. Gueule. Ah ouais, non, mais il y a sa gueule un petit peu rajeunie. Et pour quelques acteurs, c'est un peu rajeuni. Il y a aussi celui qui joue le parrain d'Harry. Acteur très connu. Merde, Gary Oldman. Gary Oldman, voilà, qui joue le capitaine, qui est beau et tout, qui est très bien. Non, pas le mien. Et il y a Andy Serkis qui fait des monstres. Donc à nouveau, on ne saura jamais qui c'est. Il est partout. Dès qu'il y a de la machine performance, il est là, ce mec. Mais c'est le maître absolu. Il a ouvert une école à Londres. Voilà, il y a aussi, il y a plein d'acteurs. Ouais. Non mais il est. Mais j'y vais. Ça coûte 40 000 balles l'année. J'y vais pas. Et donc voilà, Star Citizen, c'est un budget pharaonique. C'est un jeu vidéo, c'est ça? C'est ouais. Un jeu vidéo, ils en ont combien, fait je crois 22 millions dedans, ils ont eu de budget. Mais alors... non. Non, si. Alors putain, c'est très marrant. Tout, du jeu vidéo, c'est très marrant que tu dises ce chiffre parce que non, pas du tout, ils en sont à 200 millions. Ah oui, c'est ça, pardon. Mais non. Alors, et 200 millions en crowdfunding. Mais non. Ce sont seulement c'est des gens comme Abe et moi. Voilà. C'est le record. Le record mondial. Oui, 200 millions. Il y a moyen, putain. Oui. Putain. Alors après, on a participé 1%. Non, je déconne. ça a été. Alors, il a d'abord commencé sur Kickstarter, où il a remporté en argent très très facilement, très rapidement. Mais il a été battu ensuite par Shenmue, il me semble. Et du coup, c'est un des produits qui a eu le plus de backers. Et c'est, à mon avis, mérité parce que derrière, en fait, ce jeu, il y a un nom. C'est Robert... Chris Roberts, pardon, oui. Robert, Robert Industries. Voilà, qui en fait a fait des jeux similaires, puisque je rappelle en fait que Star Citizen, comme son nom l'indique, c'est un space opéra, ou plutôt un simulateur spatial. Mais une question me turlupine. Et comme, du coup, Chris Roberts a fait beaucoup d'autres jeux légendaires sur le space opéra. D'accord, voilà. Mais comme c'est du coup produit, enfin les fonds viennent de gens lambda, le jeu sera payant. Alors, en fait, quand tu pledges, donc quand tu donnes de l'argent pour soutenir le projet, tu reçois une copie du jeu en échange. D'accord. Plus un vaisseau. Et c'est ça qui a fait grand bruit. C'est-à-dire que la production du jeu était au début, c'est mon avis aussi, trop opaque. Il y avait des choses un peu bizarres, il y avait des des conditions un peu étranges. Et notamment, en fait, il y avait ce principe que tu donnais de l'argent, tu recevais un vaisseau. Et du coup, tu pouvais estimer que tu achetais des vaisseaux et ils valaient, genre, tu avais des vaisseaux qui coûtaient 500 euros et tu pouvais avoir une flotte pour 5000 euros si tu voulais. Non, mais c'est-à-dire que voilà, si tu veux donner 10 centimes au projet, ils ne vont pas t'envoyer un vaisseau. Bah, ah non, pas du tout. De jeu, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est à partir maintenant que le jeu n'est plus sur crowdfunding, enfin bref, qui n'est plus sur le site. Eh bien, maintenant, c'est eux-mêmes internes, ils vendent en clair des passes d'entrée et tu as, dans tous les cas, un vaisseau. Mais c'est à partir de 40 euros, le pass. Ok. Voilà. Okay, et du coup, en fait, ce jeu, Abe, tu peux le décrire C'est fabuleux. En fait, si tu es fan de tout ce qui est astronomie, l'univers, etc., en fait, ils ont réussi dans ce jeu, enfin grâce à la nouvelle technologie, en fait. Je pense que c'est le futur du jeu vidéo. Ils ont pris, en fait un moteur physique déjà existant, qui s'appelle le CryEngine, qui est déjà un truc très, très performant et très, très lourd. Il faut une bête de la NASA pour faire fonctionner ce jeu. C'est comme peut nous témoigner Perrine, qui a essayé de faire tourner. Il n'a même pas réussi à sortir de la pièce du jeu. Ça ne marchait pas. Une image par seconde, c'était pas possible. Voilà. Et du coup, ils ont récupéré ce moteur physique et ils l'ont bidouillé à tel point qu'il s'en est devenu un moteur physique à part entière, très très différent de celui de base. Et c'est pour ça qu'ils sont en procès avec Crytek, la société qui possède le moteur physique de base. Bah merde. Voilà. Oh merde. Mais ils ont vraiment développé des technologies très impressionnantes qui, pour des jeux vidéo, qui, je le rappelle, contrairement à des films d'animation comme la Pixar, sont censés fonctionner en temps réel. Donc c'est ta machine qui fait tourner le jeu et pas une render farm qui va mettre 5 minutes à faire une image. Et donc c'est très impressionnant, c'est très très très très beau graphiquement, c'est très réaliste. Et le jeu n'est qu'en alpha, donc il est quand même avancé pour l'instant. C'est magnifique en fait, tu pars... Bon, c'est fini avec ce paquet de barbants là. C'est impossible. En fait, on se tape des délires, voilà, on dit vas-y, on va aller explorer carrément des planètes ou des lunes et c'est magique. C'est possible. Quoi. C'est un open world. Mais de ouf. C'est un open universe. Et comme le réel univers, il est en extension. Voilà. En expansion. Et il est en. Mais en fait, pour l'instant, c'est confiné à un système solaire. Et c'est-à-dire qu'ils ont une fabrication du jeu comme à la Lego. En fait, pour l'instant, ils sont en train de fabriquer les pièces. Mais une fois qu'ils auront toutes les pièces, ils pourront assembler des choses géniales. Parce qu'au tout début, sincèrement, le jeu en alpha, donc vraiment la démo, on va dire, pour simplifier, c'était juste... t'avais un univers vide avec 2-3 étoiles et puis une grosse géante gazeuse. Et puis tu te baladais de petite station en petite station. Et puis ils ont introduit des lunes sur lesquelles tu pouvais petit à petit te poser. Et puis finalement, tu pouvais carrément te poser dessus, de rouler, avoir des rovers et tout. Et maintenant, des planètes, des trucs mais gigantesques. Ouais, c'est un truc de ouf. Déjà, pour quitter la planète, tu mets genre 6 minutes, 8 minutes en vrai dans le jeu, tu vois. Et tu vois, quand tu commences à arriver dans la stratosphère et tout, les flammes et tout, trop réaliste. Mais pendant tout ce temps-là... Tu pilotes. Non, mais je veux dire, à l'écran, visuellement, il y a des éléments de décor pour... Pour kiffer ou c'est chiant? Alors, mais tu kiffes ta race. C'est tellement bien fait, c'est un truc de ouf. T'as des particules, tu vois les étoiles et tout. Je précise, pardon. En fait, souvent, les jeux, tu es un vaisseau. vois okay. ce que je veux dire, c'est que tu contrôles un vaisseau. Mais là, c'est pas tu contrôles un vaisseau, tu es un être humain ouais. qui contrôle un vaisseau. T'as c'est-à-dire que tu peux, tout, voilà, okay, le vaisseau, tu peux sortir de ton vaisseau, aller à pied dans un endroit, ouais, machin. Pendant que tu. Okay. Tu parlais de la lumière, je crois, non ? Pardon ? C'est pas toi qui parlais de la lumière ? La lumière, oui, la lumière, c'est bien, la lumière. la lumière, comment elle est je préfère sur les le ténèbres. Jeu. Ah bah elle est, en fait elle est en temps actif, du coup c'est si ça. Tu te mets devant quelqu'un, t'as son ombre et tout derrière. Donc, si t'es plus t'as proche, la lumière fait sur les vaisseaux, t'as la lumière derrière les planètes, t'as le, je crois que le soleil. Ouais, ça c'est pas tout. Nouveau ça, la non, lumière, mais c'est dans tous les non, jeux. Non mais c'est joli et bien fait. Ah oui, bah c'est, et oui vous c'est beau. Vous moquez pas de l'agent P, hein. Merci, parce qu'il oublie mon nom. Oui, P. L'agent P. Non mais en tout cas c'est un jeu très très... Enfin qui donne envie de se mettre dedans. Parce que le projet, si c'est un projet en fait. Et c'est si vraiment je veux ça. Y jouer, ça coûte combien ? 40 euros de base. Ouais, sur ordi ? Oui, et sur il ordi. Faut une machine sur un gros ordi. Ouais. Ah, il faut. C'est mort. Je pense alors, qu'il faut minimum 16 gigas de RAM. Oui, il faut un Intel Core i7 haute. Enfin, un Core i5 haute performance. Et un SSD. Ok, bon, c'est mort. Un SSD est recommandé. 40 euros. Ouais. Ouais, donc il faut pas 40 euros quoi. Il faut, la plus importante, une bonne carte graphique. Ouais, c'est sûr. Ok, d'accord. Mais si t'adores ça, en fait, c'est comme une simulation du futur, de ce qu'on espérerait que ce soit en fait. C'est-à-dire toi et moi qui vas-y au lieu de prendre une moto, oui, toi et moi, on prend notre cabriolet de l'espace et on s'en va et on va sur Titan, une lune de Saturne et oh yeah. Et voilà, on voit des pluies de méthane quoi. C'est, ce serait tellement c'est fou. Beau, j'aime les pluies de méthane. Il y a une BD ah, mais de... je vois ce que tu veux dire, c'est oui, je te OK ouais. Et il y a une BD j'ai d'ailleurs Montréal sur merci de pas me couper tout le temps. Il y a une BD de scénarisée par Boulet d'ailleurs qui s'appelle Bolshkoï. Bolshkoï. Ouais, voilà, un truc. Non mais voilà. ça parle de Star Citizen presque. Enfin, ça parle d'une simulation, d'un jeu avec des corporations, des trucs de fou. Je me rappelle quand j'étais. C'est incroyable. Je me rappelle quand j'étais au collège, toute ma classe jouait un jeu. Je pense que vous devez le connaître, un jeu gratos sur Internet où en fait tu pouvais créer des planètes. J'y jouais, tu vois. Tu peux créer des planètes, des ressources, après tu fabriques des engins pour voyager, pour faire la guerre et tout. Mais c'était complètement gratos. Et c'était juste du texte, c'est avec ça des Non, c'était visuel, t'avais des images, il y avait des textes, mais il y avait des images de ce qui se passait, de ce que t'achetais. Au game, voilà. Ah, games. C'est ça. Putain, toute ma classe, mec et meuf, ça on était des 30, années, on était des 32, années 32 à y jouer. On avait les cours le soir, t'es sur game. Ouais, moi aussi, ouais, trop cool. Putain. Ah là là. C'était de la merde. Mais, mais c'était de la merde, mais je kiffais. Donc si bah, tu me dis c'est un truc comme mais ça, mais on va en même fois truc mieux. Avec des tu pouvais tu faire la tes, génération des trucs de foot entraîner. Tu pouvais être entraîneur et tout. Et oh, hein, on se calme. Hein. Moi, console je suis la, et PC, pas, moi, je suis la génération PlayStation. Pas tous en même temps. Je suis arrêté à la PlayStation 2, mais je suis de la génération PlayStation. Non, mais tu vois, je connais pas du tout ce jeu-là, parce que moi, j'étais sur des consoles. Donc j'ai aucune idée de quoi ce que vous parlez. C'était un jeu sur navigateur Internet, en fait. Bah, en tout cas, je vous remercie pour tous ces brawls, c'était fabuleux. Mais donc, ouais. Du coup, t'as pas fini le brawl. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? Ah oui, mais merci. Le plus important, le mec, on s'en bat les couilles. Moi, j'ai pas fini allez, non c'est plus, bon. Du coup, voilà. Allez, c'est bon, on passe à la chanson, on s'en fout. Non, mais. Attendez, on a aidé le jeu. En fait, on avait déjà acheté un vaisseau chacun, donc 40 euros, mais on a décidé d'acheter un énorme vaisseau. Ouais, un à gros deux. Vaisseau. En fait, on a pété un câble. Les gars, vous êtes des ouf. Et on a investi, je sais pas si on va dire ouais, quoi. Parce que à ce prix-là, le mot investir est bien choisi. Le double. Non, mais oui, on a mis 120... 120 euros. 120 chacun balles. Non, à deux. À deux. Le enfin, vaisseau unique. Pour l'instant, juste Jonas. Ouais. Oh, je sens l'arnaque dans les non, non, mais non, t'inquiète. J'attends la fin du mois parce que du coup, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ouais, il faut pas le voir comme on a acheté un vaisseau. On a investi. On a aidé. Voilà, on a soutenu plus le projet, c'est ça. Un projet qui nous tient à cœur. Parce qu'on a envie que ça réussisse. Parce que c'est un projet fou. Un projet qui, vu de loin, mais est impossible à réaliser et semble complètement con. Mais quand t'es dedans, que tu suis les news, eh ben. Tu peux pas t'empêcher d'être excité à l'idée de que ça se concrétise. Et donc, on a vraiment fait les foufous. mais c'est cool. Ouais, c'est voilà. Trop bien. Mais le mec, créateur du jeu, vous vous dites, il a déjà fait plein de jeux avant. Donc le mec, il a de l'expérience, voilà. Il est très connu pour ça. Mais le crowdfunding, c'était sa seule option ? Ou il pouvait pas passer par des... C'était un trop gros projet, je pense. Alors, ouais, c'est ce qui est revenu. Il était trop balèze, le truc, il s'est dit... En fait, c'est quand ils ont commencé à voir qu'ils pouvaient vraiment bidouiller le moteur, en fait. Enfin... Je crois, en fait, la première fois qu'il a présenté le jeu, il a présenté en effet cette simulation PC avec de la physique et tout, machin, machin. Donc, il y avait déjà beaucoup d'assets qui étaient prêtes, mais. Enfin, beaucoup. Enfin, des assets qui étaient prêtes. Ce que je veux dire, parce que je suis en train de me perdre. C'est qu'il c'est que... En fait, il ne s'attendait pas à avoir autant d'ouverture possible. Enfin, non, mais. D'aller aussi loin, en fait. Oui, c'est que surtout. Okay. En fait, oui, voilà. Comme c'était déjà quelqu'un qui était allé loin, qui avait déjà fait des jeux énormes et tout, qui avait déjà travaillé avec des gros studios, il a voulu, en fait, une entière liberté pour mener à bien un projet qui n'a pas de délai, il n'y a pas de pression de quelqu'un qui te dit d'un éditeur ou quoi. Donc là. C'est juste, c'est le rêve, c'est son rêve, quoi. Et ben, y a plein de gens qui ont embarqué dans son rêve. Ok, mais il dépend pas entièrement du crowdfunding, il y a comme une boîte derrière, un peu. Ben, la boîte qu'il a créée. Oh, d'accord. Non, voilà, enfin, non, mais c'est vrai. Mais qui apporte le fric, c'est pas non, que le crowdfunding. Oui, justement, c'est le crowdfunding. Oui, non, mais apparemment, il y a un énorme donateur. Il y a un mec qui a mis plusieurs millions pour aider au début, apparemment, mais il veut pas donner son identité. Ah, dans tous les cas, dans tous les... Enfin... Quasiment tous les projets crowdfundés, de gros projets crowdfundés dans le jeu vidéo, ils ont des gens derrière, ils ont déjà ou un gros financement, et le crowdfunding sert simplement surtout à se dire, à rassurer des investisseurs ou quoi, regardez, il y a du monde qui nous soutient et tout, ou à d'autres choses, enfin bref, mais il y avait du budget, et en tout cas, là, c'est 200 millions de dollars. On va voir ce qu'il va pouvoir faire avec, et on va écouter, en fait, une chanson qui nous a été... Comment je vais dire imposé par Milka. Imposé, pas imposé. Et mais qui va vous faire très très plaisir aux oreilles et qui va vous donner envie de prendre de la spirine. Voilà. rock and roll. Ouais. Oh yeah. Eh ben purée, après RuPaul Drag Race, on a ça. Vous allez bien dormir ce soir. Ah mais ou alors bah, pour ceux qui ont prévu de faire une blanche. Avoir de jolis rêves, plein de couleurs, plein de paillettes et de bignons. Par contre, Bilka, tu peux remettre ton t-shirt s'il te plaît et arrêter de danser. Mais je voulais vous montrer Descends de la table. Je voulais montrer mon tatouage, la Kabylie indépendante. Déjà que tu m'as dit que ça ressemblait au Hashimara. Bon, un petit tour de table, vous avez kiffé ? Moi j'ai bien aimé. Ouais, je connaissais déjà. Ouais, c'est cool. Il n'y a que Jonas qui n'a pas aimé. Mais en réalité. Jonas, il n'aime pas le bruit. Voilà, c'est ça en fait. Non, je n'aime pas la cornemuse. Oh non ! C'est un raciste ? C'est parce que je suis roux ? Tout à fait, je suis allé en Écosse, j'ai brisé une cornemuse, j'ai fait shut up! Salaud! How dare you! Non, mais voilà, c'est tout. How dare you, ça sera. How dare you, ouais! How dare you? Voilà, je sais pas le faire. Mais non, mais voilà, c'est tout. Je suis pas un grand, grand fan. Ah, mais oui, stress, t'inquiète. Hein. Juste pour te faire chier, les goûts, les couleurs. Hein. Faut tout pour faire un monde. Mais alors, question, pourquoi tu nous l'as proposé? Alors, petite parenthèse. Je ne connais pas du tout le nom du groupe, ni le nom de la chanson. Iridium. Voilà. Parce qu'en fait. Oui. Ça, c'était quoi ? C'est le nom de la chanson ou lui ? Alors, non, c'est le nom de la chanson. Oui, c'est le nom de la chanson. Alors, attends, je voudrais savoir une chose. Comment tu as fait pour lui envoyer le titre, si tu ne le sais pas ? Non, mais en fait quand je travaille sur l'ordinateur, j'adore les musiques celtiques. T'as mis une playlist en fait. Oh, ouais, c'est ça. En fait, j'ai vu ouais, sur YouTube. Et après, tu sais, ça suggère une autre vidéo. Donc, la fenêtre, je la réduis. Et je travaille sur Excel, sur Word et tout, ouais, je laisse tourner. Et là, j'entendais ça. Enfin, c'est des musiques plutôt calmes hein, pour mes dames concentrées, un peu calmes et tout. Et là, j'entends ça. J'ai cliqué sur Google Chrome pour voir c'était quoi. Et t'arrêtes pas de faire des pubs. Hein, ouais, non, mais je vous décris comme ça, vous êtes à ma place. Ouais. Et, ouais, grave. On a 8 auditeurs, mais. Ouais. Et j'ai bien aimé, ça, c'est entraînant, tu vois, parce que, petite parenthèse, je fais beaucoup de fêtes médiévales, où je me cosplay en mec du Moyen-Âge et tout, et je suis pote avec pas mal d'artistes... Vivre dans un donjon. Et je suis pote avec pas mal de musiciens qui ont des groupes ou quoi... Qui ont des bignous. Oui, qui ont des bignous et qui essaient... Non, mais qui essayent de faire des musiques un peu, rock, punk, un peu, mais avec des instruments anciens. Et moi, j'adore ça. Dans ces fêtes déguisées, tu joues un peu avec leur bignou ? Non, je suis déjà occupé avec le mien, qui est assez conséquent, n'est-ce pas ? Tu souffles dedans ? Non, on me souffle dedans. Allez, s'il vous plaît. Non, mais du coup, le groupe, c'est The Seed. Ouais. S-I-D-H. Et il y a beaucoup de l'émergence, enfin la reconnaissance de ce genre de musique est de plus en plus présent. D'ailleurs, j'ai vu que à Bercy va y avoir un concert d'un groupe qui fait de la musique viking traditionnelle. Ouais. Et Droga, là, ceux qui font la musique de Vikings. Je sais plus, mais en tout cas, il y a vraiment. Oui. Je sais pas si c'est la reconnaissance ou l'émergence de ce genre de musique. Peut-être via la pop culture, Game of Thrones, Vikings, ou tout ça. Peut-être que plus de gens s'y intéressent, mais en tout cas, c'est bien là et ça prend son essor. Ouais, ça vient d'où ça? Young man came from hunting, frame time, oui. C'est ça. Ouais, c'est trop stylé. Oh. On peut pas se rajouter dedans, y a pas de voix de femme. Si, ah ouais, quoi bien sûr que si, y en a trop plein. Dans Viking, dans l'intro de Viking, je crois pas. Mais non, pas dans l'intro, dans le style. Dans plein, ouais, dans le style, oui, tu vois. Mais genre dans les basses, en fait, quand vous commencez, c'est les voix des hommes. Ah bah oui, et ensuite, Met un peu de Wadruna en fond d'ailleurs. C'est ça. Eh bah, mais voilà, c'est le groupe Wadruna qui fait beaucoup de musique. C'est pas eux qu'on fait Hellblade. Hellblade. C'est pas eux qu'on fait la BO. Peut-être. Tu peux avancer un peu, hein, c'est l'intro d'abord. Ah oui, mais écoutez, on est chez les Vikings. En plus, je trouve ça beau, tu vois. Même dans l'intro, ça te met dans un concept, tu vois. T'entends les bruits d'orage, de pluie, tu t'imagines en Scandinavie, dans la neige et tout, c'est trop stylé. Moi, j'adore. En train d'étriper des gens, tout oui. ça. Ouais. Ah, mais j'aime pas les Vikings, hein, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai des ancêtres en commun avec eux, donc voilà, forcément. Non, mais c'est vrai. Oui, tu nous l'as déjà dit 4 ouais, fois. Ouais, je le revendique. Faut bien s'inventer des fiertés. Hein. Comment tu sais ? Et bien parce qu'il y a des Vikings qui sont venus en Afrique du Nord. Tu l'as relancé. Voilà, au 12e et au 13e siècle. On retrouve encore des traces de leur passage, de vestiges ou pas. Et ils ont fait du commerce là-bas. Et certains d'entre eux se sont installés là-bas. Mmh. Et vu que voilà, je suis un Algérien extrêmement roux, blanc avec peau, cette musique, ça donne bien là. Je pense que ouais, il y a dû avoir un Viking qui s'est paumé dans la montagne de Kabylie. Il s'est dit merde, mais qu'est-ce que je fous là? Bon bah je vais faire ma vie là, je vais faire des gosses. Je vais planter ma petite graine un peu en Kabylie. Voilà, c'est ça. Et 700 ans plus tard, Bilka est devant vous les gars. Merci les Vikings, ils ont pas fait que des meurtres. Ils m'ont fait moi. Bah écoute, merci pour nous avoir partagé cette chanson. Je vous rappelle à tous et à toutes que vous pouvez nous partager vos titres musicaux. Et oui, envoyez 3232 au 33 les commentaires. Envoie musique au 8222. D'ailleurs, pour la prochaine émission, laissez les commentaires. Mais oui. Voilà, n'hésitez pas. Je te rappelle qu'il y a personne qui écoute, donc bon. Non, mais en fait, surtout, les commentaires sont basés plus sur Facebook. On a du mal à nous exporter, Facebook, nous c'est sortir mort, de Facebook. C'est Instagram maintenant. Oui. C'est vrai. Mais j'ai pas, moi, ça. Facebook, c'est foutu. J'ai c'est que fini. Facebook. Alors, mais pas sur Instagram. Oh, alors, j'ai Facebook une question. C'est pas très utile en vrai. Mais ouais. Facebook est en train de mourir en fait. Oui, mais j'ai une question. N'importe quoi, il y a 2 milliards d'abonnés. Non, il est en train de crever. Et il y a. Le mec qui est riche quoi. Bah oui, non, mais c'est pas parce qu'il a eu des problèmes judiciaires que le site est en train de mourir. Hein. Il y a 2-3 pélos qui ont fait. Ouais, quitte non, ton Facebook. Non, non, c'est pas mais, que ça. Mais ça appartient à qui Instagram? Je sais pas. Facebook. Bah Facebook. C'est bon, vrai. Voilà, t'as ta réponse. Facebook n'est pas en train de mourir. Alors, on va passer à notre sujet principal. Oui, le site de Facebook. Facebook, Bah, je regarderai combien il y a d'abonnés pendant la journée. C'est pas au nombre d'abonnés, c'est au nombre de personnes qui participent vraiment non, sur mais Facebook. Non, mais oui, les abonnés actifs. Mm. Ouais, oui, mais c'est comptabilisé maintenant. Parce que Instagram, je suis à peu près sûr qu'ils ont plus d'actifs que Facebook maintenant. C'était cool. Oula, ça va être très très risqué là. On parie? De quoi? Il y a Jean P qui m'a distrait. Pardon. Mais oui. P, arrête Instagram de couper. Instagram a plus d'actifs que Facebook. Ah oui, mais largement. Le con, ouais. P, arrête largement, de couper. Il y a les, sur les stats, il y a 3 fois plus de personnes qui utilisent Instagram que Facebook à l'heure actuelle. Eh bien, Facebook je est en train ne de le pense site. Pas du tout. Ah, si. Si tu veux, je crée je la regarderai. Page Instagram. Mais attends, de... tu dis c'est le même groupe. Donc ah oui, en vrai, c'est l'appli en fait. Oui, bah. En vrai, ce que tu dis là, c'est... Oui, je veux bien un peu d'aide sur le fait de gérer le podcast, parce que ça prend du temps, en moi, fait, mine de rien. Les réseaux sociaux, mais comme tu veux. Parce que je dois préparer toutes les publications, le conducteur et tout, et pendant ce temps, mon équipe fait un grand travail, par exemple, faire un quiz. Bah écoute, moi, je me propose... Ramener. La prochaine fois, je me propose pour le quiz, hein, parce qu'apparemment... La dernière fois, tu t'es fait éclater, hein, donc allez... Coupons cette moi. Magnifique musique dans un beau fondu et nous allons enchaîner par une bande-annonce pour se mettre un peu dans l'ambiance. Oui. Parce que là, on a un peu dévié trop du sujet. C'est parti pour... En français ? Les pilleurs de tombes. Je crois que je deviens folle. Ça, c'est la bande-annonce du film, c'est ça ? Il arrive un moment où tu sais pas qui on est. Et qui on est supposé devenir. Je crois savoir où mon père est allé. C'est juste au milieu de la mer du diable. Ce serait une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Waouh. Qu'est-ce que tu fais ici? Bing. Nara. 7 ans que je suis sur cette île. C'est ton père qui m'a cloué ici. Maintenant, je vois la ressemblance. L'intelligence. La témérité. Je propose qu'on se la tape pas tout en entier, non? Ouais, grave, surtout que... En écoutant la bande annonce, j'ai pas l'impression d'avoir vu le film, mais en fait, j'ai vu le film. Mais ça m'a rappelé rien du tout. Ouais, bon, en tout cas... Moi, j'ai été déçue, je m'attendais à avoir Angelina Jolie, la bande annonce des premiers films. Mais par contre, l'actrice est exceptionnellement très très bien. Elle joue magnifiquement. Ouais. C'est une très très bonne actrice. Bof. Bah, tu l'as vu dans d'autres films ? Non, je sais qu'elle a fait plein de films qui ont été primés et tout, mais dans ce film-là, je sais pas si elle était motivée ou pas, mais ça se trouve elle est pas douée en vrai. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. En tout cas, dans ce film, je juge alors, pas sa carrière. Monsieur, c'est quoi ton dernier rôle ? J'étais figurant. J'étais figurant dans une série qui passe sur M6, mais je ne dirai pas laquelle. Mais comment dire, si je juge juste sa performance là, après, c'est peut-être le personnage qui est mal écrit, mais en tout cas, moi, ça m'a absolument rien fait. Je suis désolé. Si, moi, j'ai été vachement touchée, tu sais. Est-ce qu'on peut spoiler ? Je pense que si on l'annonce maintenant, eh bien... Attention, ceci est du spoil. Allez-y. Donc, j'ai été touchée au moment, tu sais, quand elle retrouve son père dans la caverne. Et où elle a tout vécu, tu sais, pendant tout ce moment, elle était genre tellement à fleur de peau que quand elle retrouve son père, elle se lâche complètement. Et elle fond en larmes. Si, j'ai trouvé que c'était très touchant, justement, de la manière dont elle l'a joué, la manière dont c'était fait, juste que tu ressentais bien, tu sais, son soulagement d'être plus toute seule et d'avoir quelqu'un avec qui elle peut être Elle détendue, peut partager sa souffrance. Elle était tout tendue pendant tout ce temps-là, puis d'un seul coup, elle craque et c'est très bien fait. Scène aurait été plus belle si le contraste avait été plus prononcé avant. Avant, exactement. Si on avait montré... Parce que moi... les films avec Angelina Jolie et le seul Tomb Raider que j'ai joué, Tomb Raider 3 sur PlayStation 1, Lara Croft, le personnage, c'est comme une femme forte, mais c'est un euphémisme de dire une femme forte. La meuf, c'est un rock. Elle se bat contre dinosaures, des robots géants, des mecs, 60 mecs. Elle s'en bat les couilles, elle est à peine décoiffée et elle recommence. Là, dans ce film, elle fait très gamine. Mais juste, c'est le but. Ouais, mais en fait, tu vois. Complètement le but. Hein. Non, mais en fait, tu vois, un personnage impassible qui est stoïque. Le moment où il se lâche, où il est vraiment ouvert, qui se permet de pleurer, là, c'est vraiment une scène d'émotion, parce que ça contraste avec elle. Là, pendant tout le film, on la voit un peu enfantine, juvénile, et tu la vois pleurer quand elle retrouve son papa disparu. Du coup, je me dis, bah oui, c'est la réaction qu'elle aurait pu avoir, ouais. Bah. C'était une réaction logique, en même temps, et d'un seul coup, c'est quand tu vois cette scène aussi que tu te rends compte que que toutes les scènes d'avant, elles étaient complètement tendu aussi, c'est aussi le contraste qui te fait. Alors, essaye plutôt de parler dans le micro que de parler à Bilka. Excuse-moi, mais je peux pas non plus. Il y a des auditeurs. Voilà, faut parler sur ce que Didi est ce contorsionniste là. Ouais, le bretzel russe, on a dit après, Didi. J'entre sur son territoire après. Faudrait que je bouge le micro, mais je veux pas non plus. Oh oui, tu peux, allez, vas-y. Est-ce que je répète? Non, maintenant c'est trop tard, le bal est fait. Non, mais si, je t'entendais bien. Même quand t'étais. T'inquiète. Allez, vas-y. Mais je ne sais plus. Alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'était complètement le but, hein, vraiment, de rendre Lara humaine et de la rendre plus fragile, parce qu'elle débute, elle n'est pas encore avant aventurière. Avant qu'elle soit justement comme Angelina Jolie, voilà. où on ne voyait pas du tout. Alors, exactement, pour resituer, le dernier film s'inspire en fait des derniers jeux, enfin le... The Rise of Tomb Raider. Voilà, exactement. Le reboot où justement l'histoire commence en fait, où elle n'est pas encore Lara Croft. D'accord. Elle n'est pas encore, Lara Croft. Enfin, encore. Tomb Raider. Non, elle est Lara Croft. Angelina Jolie encore. Voilà. Tu vois. D'accord, ok. Et ça aussi. Parce que l'actrice à quel âge? Je ne sais pas. Je crois qu'elle a 31 ans. L'actrice fait très juvénile. On en parle un peu au début de l'émission. Angelina Jolie, elle est vraiment, très très bien bâtie. Elle a les épaules larges. Elle fait femme qui sait se fight. Alors que elle est vraiment très skinny un peu. Bah. Lara Croft a 16 ans, elle pourrait jouer. Angelina Jolie est là. T'as raison, fous-lui des coups d'épaule. Non, c'est l'incarnation même de la Lara Croft de la PlayStation 1 et 2 et 3. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, le short et le crop top. Ouais. C'est ouais. vraiment elle. Ouais. Tu vois, c'est la femme. Tu es un peu la femme fatale et tout. Et Alicia Vikander va représenter en fait la Lara Croft des reboots, c'est-à-dire celle qui a 18 ans, qui arrive sur la vingtaine. Mmh. Donc elle n'est pas encore formée, ouais. ni mentalement, ni physiquement, pour être la Lara Croft qu'on connaît nous avec Angelina Jolie. Par ouais. contre, Angelina Jolie était quand même aussi dans l'émotion, parce que je me rappelle, c'est bête à dire, j'ai plus de bons souvenirs du Lara Croft, Tomb Raider Lara Croft, le premier film avec elle, ouais. que le dernier avec Alicia, ouais, surtout pour sa relation avec son père. Ouais, moi aussi, ah ouais. carrément. Oui, il y a vraiment une scène où... Moi, je me rappelle surtout de sa relation avec le majordome qu'on enfermait dans le frigo. Elle avait des sidekicks avec le majordome. Ils sont dedans, attends, le majordome. Mais bien sûr, ils sont présents, le majordome. Dans le premier Tomb Raider de Ninja Juni, tu avais deux sidekicks. Tu avais le majordome et le geek qui s'occupe de son matos. C'est Brice. Des accessoires, des robotiques et tout, c'était cool. Alors que là, dans le jeu vidéo, le reboot, on a le droit à Jonah. Ouais, déjà c'est chiant quand il joue parce que je suis là, hein, quoi. Parce que c'est ça le truc avec les noms, les prénoms assez rares, c'est que bah, tu les entends pas souvent, donc t'es persuadé que c'est toi. Et oui, il sert à rien lui. C'est nul. C'est un peu comme de... Heureusement qu'ils l'ont enlevé du film, hein, parce que pouh. Vas-y. Sinon, je voulais aussi continuer en fait sur le dernier film avec Alicia Vikander. Il y a aussi quand même un moment où tu vois qu'elle commence à devenir Lara Croft. C'est la première fois où elle tue un homme. Ouais. Là, et je trouve que c'est peut-être l'émotion où il y a vraiment la scène où il y a vraiment une sorte d'émotion où tu sens que ça monte au fond d'elle et que ça commence à exploser et qu'elle se rend compte, tu vois, d'où elle est, des enjeux qui sont présents sur cette île. Alors que si on peut comparer avec le jeu, le reboot, ce moment-là, il passe complètement inaperçu. Genre, elle fait « Oh mon Dieu, j'ai tué un homme !» Bon ben, je vais en tuer 40 autres, j'en ai plus rien à foutre. C'est... Ouais. Bon, après, c'est expliqué par le fait que c'est un jeu vidéo, c'est sûr. Mais The Last of Us te fait ressentir ça, par exemple, de manière plus fine. Ouais. Mais bon, je pense que c'est peut-être pas le même budget, les mêmes équipes... Il y a aussi un truc qui m'avait frappé, on en avait parlé en début d'émission, mais d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse d'abord, c'est les environnements du film, pas du jeu vidéo. Le jeu vidéo, je ne suis pas trop jeu vidéo comme vous le savez, mais le film avec Alicia là, les environnements font vraiment fake. Quand elle court à un moment, tu as un plan large où c'est une sorte de plan drone quoi, on est à 3, 4, 5 mètres derrière et au-dessus d'elle. C'est une sorte de plan de drone, exactement comme un plan de jeu vidéo, tu vois. C'est-à-dire que la caméra, elle est à 3-5 mètres derrière et un petit peu en hauteur face à elle. Et elle marche dans la forêt. C'est vraiment un plan de jeu vidéo. Eh ben là, tu sens vraiment que c'est des effets spéciaux, quoi. Les gars, vous avez un budget de centaines de millions. Ça coûte combien d'aller tourner dans la vraie forêt pour qu'on voit vraiment de la vraie nature? La texture, ouais. Ça se voit que c'est du fake. Jardin des plantes, par exemple. Mais oui, ça se voit que c'est fake. C'est... Enfin, je sais pas, c'est... C'est peut-être une volonté pour que le film, en fait, soit vraiment le film du jeu vidéo, parce qu'on en parlait, t'as beaucoup de scènes de ce film, on dirait un jeu vidéo, quoi. Le truc avec le bateau, l'espèce... L'avion. Ouais, l'avion qui pardon. Qui est carrément tiré. Y a le camp, faut le qu'elle... Le chemin qui s'effondre. Ouais, exactement. T'as le camp, il faut qu'elle aille s'infiltrer sans faire de bruit pour piquer des armes, pour pouvoir buter des mecs plus tard. Et aussi, il y a un truc, ça, j'ai vu ça, je me suis dit... Oh, le vieux temple antique en carton. C'était à un moment donné, dans le film, t'as une espèce d'énigme. Ils sont sur une plateforme et ils doivent trouver la bonne combinaison de couleurs. Parce que sinon, le plafond s'effondre, ils meurent tous. Et en fait, c'est des grosses gemmes. C'est un Simon. Non, en fait, c'est des grosses gemmes de couleurs. Mais c'est pas possible qu'un temple vieux de plusieurs siècles ait des trucs de couleurs aussi vives et joyantes. Et limite, quand ils les incrustent dans le mur, on dirait que t'as la LED à l'intérieur du truc qui s'allume. Et là, tu te dis, ça, c'est un truc que je verrais dans un jeu vidéo, mais en vrai, dans un film, ça ne passe pas. Et c'est peut-être une volonté de vouloir adapter des trucs du jeu vidéo en film, mais moi j'ai trouvé con, ça très fake. C'est que, à mon avis, ce serait passé, tu sais, avec Indiana Jones, les vieux films. Ouais, bah, y a un truc comme ça dans le 2, tu sais, quand il y a la statue là, avec les espèces des idoles, il doit les prendre et tout. Mais ça le fait, parce que c'est délabré, c'est organique, tu peux toucher, tu vois que c'est... Je pense que c'est juste que c'est un vieux film, surtout. Et que dans les vieux films, ça passait. Et qu'ils ont, à mon avis, ils ont gardé... l'esthétique des vieux films pour faire ce film là ils sont inspirés de... Ça faisait très fake, hein. Mais justement ils ont gardé des anciens films de chasseurs de tombes, quoi. Genre Indiana Jones et Tomb Raider, Pierre, ce genre de choses. Moi je vous conseille plutôt le court métrage Uncharted, où il y a d'ailleurs le monsieur, je sais plus son prénom, mais il s'appelle Fion. et aucun rapport. Et le mec, il est américain et tout. Et qui ressemble exactement du coup à Nathan Drake. Et le court-métrage, j'ai l'impression en 2 minutes, fait mieux que l'adaptation de Tomb Raider. Ça m'étonne pas, ça. Ils ont réussi à la fois à, en effet, rendre hommage, parce qu'il y a une partie qui fait très gameplay. Et il y a d'autres parties qui sont beaucoup plus mises en scène. Et du coup, j'ai l'impression que ça marche mieux, la sauce prend mieux. Et puis les environnements sont... T'y crois. C'est presque en huis clos au début, puis après c'est dehors et tout en scène d'action. Mais il n'y a pas ce côté 3D, en effet, où tu as ce mélange de... Ouais. Attends, c'est des vrais personnages dans un monde de jeux vidéo. Voilà. Moi, je considère qu'un film est foiré quand tu rentres pas dedans. Peu importe si les acteurs jouent bien, machin quoi, mais si tu rentres pas dedans, je considère que le film est foiré. On va passer une toute petite musique pour passer ensuite aux jeux vidéo, puisque comme on l'a dit, on est pressé par le temps. Désolé, ce sera une émission un peu plus courte que d'habitude. No problemo. Mais du coup, on a de la musique qui nous vient de Grand Blanc, un groupe français qui, à mon avis, va faire plaisir aux oreilles, qui va vous faire du bien. Oui. Où sont les plages, sont les naufrages, sont les sont les sirènes de l'oubli à la police et les sillages de plus en plus vagues, de plus en plus longs, de plus en plus lisses. Où sont les sables, sont les mirages des nouveaux mondes après le bout du monde et les précipices en attendant les rivages. J'en tourne sur nous-mêmes, tourne sur nous-mêmes, tourne comme les hélices. Ainsi soit-il perdu, les secrets qu'il vaut mieux laisser aux yeux. Voilà, vous êtes sur Radio Nova. Abe. Ah oui, merde, ça c'est la chanson d'après, mais écoute, je sais même pas si on aura l'occasion de la passer, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est pour ça que je parle très vite. N'est-ce pas ? Et donc, Abe, rapidement, tu vas nous parler du concert de Grand Blanc auquel tu as eu la chance d'assister. C'était vraiment très beau. Magique. Sujet voilà. suivant. Allez, on a plus le temps. Non, mais sérieusement, en fait, il y avait qui et tout, et c'était quel genre d'ambiance? Je les connais. Je les connais pas, moi. Il y avait Tata Hadji. C'était quel genre d'ambiance posée? Ah, posée. Mmh. Assez posée, ouais. C'était un concert, un grand concert, petit coup. Non, une petite salle, mais... Alors, je sais plus où c'était, mais la salle était... ici, les Moulineaux, je crois. Ouais. La salle était vraiment super bien. C'était le Recteur, ouais. Ok. La salle de concert extra. Il y a des trucs là, pour l'acoustique partout, tout autour, et le son est top. Et présence sur scène? Comment? 15 sur 20. Présence sur scène? Ah, 20, enfin, c'était vraiment bien. Wow. Ouais, putain. Ouais, classe. Ok. Ben, juste, on n'aura pas le temps, donc on va juste entendre Abe nous parler de son expérience de Tomb Raider, puisque c'est le seul ici présent qui a joué à absolument tous les Tomb Raider. Okay. Ouais, je joue à un. Et qui les a tous, quasiment. Ouais. Jusqu'à la PS4. Ouais, je les ai tous faits, je crois qu'il y en a 10 tous, ouais. ou 11. Ah ouais, quand même. Et il en a platiné, donc ouais, j'en ai platiné fait à 100%, 3. Il est chaud. Wow. J'ai platiné... Et pas les plus simples. Ça ouais, en fait, c'est dire quoi platiné, pardon. En gros, c'est quand tu fais le jeu à 100%, tu récupères tous les trucs. Les petits trophées, okay. Et du coup, ma première question pour toi, Abe, qui est un spécimen incroyable, c'est pourquoi tu aimes ce jeu? Bonne question. Parce que je t'emmerde. Non, mais non, en fait, bah, déjà à l'époque, celui qui est sorti sur PC, ouais. je crois. Le tout premier, déjà, ouais. C'était un peu une révolution, entre guillemets. C'était les premiers jeux en 3D, en ouais. quelque sorte. Mmh. Mon grand frère y jouait. Ouais. C'était trop bien. Pas tous en même temps. Ouais. C'est... Exactement. Ouais. Ah oui, les boobies en triangle. Ouais. Ouais. Exactement. C'était aussi genre pas l'un des premiers jeux un peu RPG, aventure. Il y avait RPG, pas, non. aventure, il y a eu Zelda. Hein. Non, je mais parle en 3D. Dans notre monde. Ancré un peu dans notre monde. En fait, Zelda, c'est merveilleux. Parce que on n'est pas dans la réalité. Sur le monde, oui, c'est de la fantasy. Non, mais je comprends ce que veut dire Didi. C'était un truc un peu où on pouvait se rattacher aux aventures qu'elle vit. Genre, tu dis, moi aussi, je vais aller en Égypte. Oh, moi aussi, je vais aller à Venise. D'accord, ok. Ouais. Ils avaient, ouais, c'est vrai que c'était les premiers jeux où ils avaient engagé des sound designers. Genre, quand t'es à Venise, etc. Avant, il n'y en avait pas. Mais non, mais je veux dire, pour les jeux vidéo, en fait, ouais. où t'avais vraiment des équipes calées à Venise, déjà, donc, chercher pour avoir les sons et tout, c'était... Putain, ah ouais, petite anecdote. Déjà, dès le premier. Ouais. Putain. Moi, je disais tout à l'heure, j'ai joué au 3. Non, pas le premier, je crois que c'est à partir du deuxième ou troisième, je crois. Et en fait, il s'est produit par qui? C'est parce qu'il y a de la thune, alors? Ouais, c'est Core Design. Core Design, c'est le studio de développement ou c'est les producteurs? Parce que il me semble que c'est toujours été Square Enix, non? Non, ou, avant c'était Eidos. Ah oui, Eidos Interactive, c'est les Québécois, là, les Canadiens d'Eidos. Ça a été changé, ça a été racheté plusieurs fois. Un gros bordel, ouais. Ah, et notamment rebooté. Et justement, en fait, c'est quand ils ont sorti l'Ange des Ténèbres, mm-hmm. qui a fait un flop de ouf. En fait, il a été foiré, le jeu a jamais été fini. Mais il faut dire que... Mais ah oui, carrément, pas il n'était pas fini, ils l'ont sorti genre au moins 6 mois avant. Oh merde. Parce que l'éditeur voulait absolument qu'il sorte, parce que c'était trop longtemps qu'il n'y avait pas eu de Tomb Raider. On parlait de la pression des éditeurs avec Star Citizen. Ouais, et du coup, ils ont carrément retiré des scènes et tout, et du coup... Ah merde. Mais c'est ça qui est aussi un peu triste avec Tomb Raider, c'est que on a un peu frankensteinisé le personnage. C'est que c'est parti d'un personnage fort, une femme qui va à l'aventure et tout, et puis on l'a transformé en mannequin qui fait des pubs pour voitures, et c'est parti un peu en couille. Et même si le gameplay restait cool, je pense que l'entrain du public c'est un peu essoufflé, quoi, parce qu'on en bouffait tout le temps du Tomb Raider, quoi. En tout cas, je pense que c'est un personnage qui sera tout jamais ancré dans la culture populaire. J'espère. Chaque convention que je fais, il y a combien de meufs qui sont déguisées en Lara Croft. C'est incroyable. C'est un peu le cosplay facile. Hein. Tu prends un t-shirt bleu, un short noir. Ouais, aussi, voilà quoi. Jean-Michel Pervers. C'est un peu le notre invité. Un peu le cosplay qui fait plaisir à tous les mecs. Quoi. Tu disais, Jonas, d'un côté que la hype de Tomb Raider s'était un petit peu essoufflée. D'un côté, il y a combien de jeux vidéo qui ont eu 4 films? C'est pas faux. Prince of Persia a eu un film, Assassin's Creed un film, Rayman, pas encore, je suis en train de l'écrire. C'est pas vrai. Attends, parlons des films adaptés de jeux vidéo déjà. Il y en a pas tant que ça. Et Tomb Raider, c'est le. J'ai aussi Resident Evil. Ah oui. C'est vrai. Il y en a combien? 4 5 Non, plus. Il y a Pokémon aussi, mais ça compte pas. De films. Resident Evil, c'est vachement. Putain. Le dernier, c'est n'importe quoi. Mais... Resident Evil, c'est vachement éloigné du concept de Resident Evil. On n'a aucun moment Alice. Alice, elle est le personnage principal de Resident Evil. Elle a des pouvoirs. Alors que, genre, quand tu joues à Resident Evil, t'as tout sauf des pouvoirs. T'es à poil. T'es rien du tout. Tu veux juste courir. Ouais, t'as pas tout. T'as rien. Mais il y avait ce côté un peu horrifique et survival déjà présent dans les premiers Tomb Raider, en tout cas, parce que. Déjà, quand t'arrivais devant un T-Rex, t'étais pas non plus très à l'aise. Au début, t'étais avec des loups. Un T-Rex. Voilà. Et des fois, t'avais ce côté horrifique. Je me souviens, avec mon frère, on jouait au jeu. Parce que, enfin, souvent, tu jouais à deux avec ton frère qui a la manette et toi, t'es tout seul. Comme un con. Ouais, moi aussi, c'était bro. Sur PC. Ouais. Et, sur PC, mais c'était la même. À ce moment-là, en fait, t'es dans un espèce de labyrinthe incroyable d'une pyramide. Tu as peur et tu entends des bruits. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois une énorme flamme et un mec en combinaison qui te poursuit. Un pompier? Attends, tu as dit une énorme flamme, un mec en combinaison. Moi, j'ai visualisé un pompier. Mais non, un mec avec un lance. C'est plutôt l'inverse. C'est dans une pyramide. Ah, écoute, un pompier. Où est votre chat? Où est l'arbre? Mais je sais pas dire, un mec avec un lance flamme, qu'est-ce qu'il fout dans une pyramide? Ce tombeau sera votre tombeau. Bah, en tout cas, mon frère et moi, on a éteint le jeu. Et on n'a plus joué à Tomb Raider depuis. On a éteint le jeu. Ouais. Elle est con. Et quel est ton préféré alors, Abe? Difficile à dire. Mais non, mais j'ai cru comprendre que c'était. Bien, du soir, j'ai bonsoir. Adoré en fait quand ils ont. Enfin, quand ils ont utilisé le nouveau système graphique, c'est le Tomb Raider Legend. Ouais. En fait, qui est. Je pense que c'est un de mes préférés. Mmh. Même au niveau visuel, enfin graphique, il y a vraiment eu un truc qui a changé, même au niveau du gameplay. Ouais. C'était un renouveau. Je l'ai adoré, d'ailleurs j'ai fait le platinum sur celui-là aussi. Il y avait aussi la version d'après, c'est le Underworld. Donc en fait, où ils ont repris justement le premier Tomb Raider, où ils ont tout remasterisé. Mmh. Celui-là était vraiment cool. Mmh. Et après, le Tomb Raider de 2013, je crois, celui sur l'île là. Je sais plus le The titre. Rise of ouais, Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Un des meilleurs. Un des meilleurs. Ouais. Oui, je suis d'accord. Très très cool. Bah, merci beaucoup. Désolé de pas pouvoir parler de Tomb Raider plus longtemps parce qu'on aime beaucoup ce sujet, on aime beaucoup cette série. Et on aime aussi Uncharted. Toi aussi, t'as joué à tous. Ouais, magnifique. Donc on en parlera peut-être plus tard. Et puis de toute manière, je pense que le mois prochain, on parlera aussi jeux vidéo. Ça va être sympa. Putain, va falloir que je me documente. Ouais, va falloir que tu bosses un peu, c'est-à-dire jouer. Donc bon, ça, c'est pas possible. C'est pas non plus horrible comme boulot. Moi, j'ai une question pour justement Terrence. Tu vas conclure. T'as joué à tous les jeux. Qu'est-ce que ça t'a fait enfin de jouer en fait un personnage féminin en tant que personnage principal? Genre, c'est elle l'héroïne. C'était la première? C'est l'un des pionniers, ouais, c'est genre un des jeux vidéo pionniers en représentation d'héroïne. Ah. Enfin, des plus populaires, c'est le premier. On va pas passer la musique, on va attendre la réponse plutôt. Alors, en fait, c'est surtout basé, moi je mets bien sur l'exploration en fait de base et je sais pas, le fait d'avoir une. Piloter entre guillemets une femme, c'était, je sais pas, c'était marrant, je sais pas comment dire. Enlève ta culotte. En fait, moi je peux répondre. Vas-y. Je pense que je vais prendre les huées de la gente féminine. Vas-y. Mais je dis ça sans sexisme, sans machisme. Mais je pense que incarner. Je suis pas raciste, mais. Mais non, parce que nos jours on dit un truc tout le monde. Vas-y, allez, on a plus de temps. Ouais, voilà, c'est pas faux. Parce que je sais pas, le fait que ce soit une femme. Qui se lutte contre des environnements hostiles, machin quoi, ça la rend plus vulnérable et on a un peu plus peur pour elle. Parce que, à fortiori, quand tu vois Indiana Jones dans la jungle, à aucun moment tu flippes pour lui. Mm. Tu dis, le mec, c'est bon, il a son chapeau, tout va bien. Alors que là, elle, surtout qu'elle n'est pas très bien vêtue, elle est assez. Alors ça va être pour d'autres raisons et qu'ils ne l'ont pas beaucoup vêtue. Oui, voilà, tu m'as compris. Mais je trouve ça... Je sais pas, moi qui suis un mec, j'ai un peu plus peur pour Lara Croft que pour Indiana Jones. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, moi je te rejoins sur ça. C'est le fait que Moi, personnellement, je prends beaucoup plus des personnages féminins dans des aventures quand j'ai ce choix-là. Par exemple, dans Mass Effect, où pour moi, c'est Femme Shep qui... Enfin, c'est... Et parce que j'arrive mieux à m'y identifier. C'est con, mais à jouer un mec, t'as l'impression que le truc, il est indestructible et que c'est... Et que, aussi, surtout, je réponds pas aux critères... Et, enfin, tu sais, aux... À la base, standard en fait. Voilà, au propose. Standard ouais, c'est vrai. Ultra sûr. Du maquillage et des robes à paillettes. Voilà. Mais non, mais. Non, mais. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça, le mec, il est. Enfin, c'est pas moi. Ouais. C'est pas... Alors que c'est un mec plein de testostérone qui fait. C'était pas ma gueule. Stallone, c'est toi. Alors que. Je suis handicapé. Alors que les personnages féminins montrent plus de. Même si. Non! Mais physiquement si, et dans leurs paroles et tout, je m'identifie plus à quelque chose qui finalement que je perçois peut-être. Moins sais bourrin, pas si... quoi. Non, c'est pas ça. Comme moins destructible, comme avoir des sentiments. Et j'arrive pas à m'identifier à ces clichés souvent que nous renvoient les jeux vidéo sur les personnages masculins, quoi. Je te comprends. Ouais. J'ai des amies filles qui, elles, à l'inverse, préfèrent prendre des personnages masculins pour... Ouais, non, mais c'est vrai. Attends, juste un petit peu pour revenir ce que tu dis. Ah, mais Abe, il doit partir. Ah, merde, pardon. Le studio va fermer ses portes. Au revoir, bye, bye, tout le monde. Allez, on en reparlera la prochaine fois si vous voulez. C'est un bon sujet. Mais en tout cas, on vous remercie tous. Ah, ben non, même pas. Depuis le début, il y avait quiz. Ça tombe bien, Abe, il avait oublié les feuilles. C'était volontaire. On vous fait des gros bisous. Le seul quiz que j'étais sûr de gagner, quoi. C'est sûr. Mais allez, on le refera. Attends, une question. Oui. Date de sortie du premier jeu 98. 80, non, 92. Non. 89. Non. 95. 90. Mais 97. Moi, j'en dis. 96. 96. Voilà. Allez, hop. Ah non, 93, c'est l'année de développement et 96, il a été sorti. Oh, allez. Elle vous a éclaté. Elle a dit, je cite il y a deux secondes, c'est le seul quiz que j'aurais pu gagner. Mais c'est moi qui ai gagné. Je pensais que c'était plus ancien que ça. 96, moi aussi, mais en tout cas, sur cette victoire éclatante, sur cette déception, eh bien, nous quittons. Nous vous quittons, pardon, de ce monde. Nous mourrons. Au revoir. Bonjour. Et à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Jana.